assassiné par le vide. Ordure tu m'as laissé pour compte de tout litige des fleurs que tu as refusées. Ça travaillait sans sueur sur le front toujours positionné, bien en vue de toute incursion dans ta ligne de conduite d'excessive prudence. Positionnez.